Chapitre 4. Le vieil ami. Voyons, dit Valério en bondissant comme un coursier fougueux, voyons le stade de mon palais si longtemps veuf de son maître. Les assistants avaient peine à le suivre. Son ivresse éclatait en exclamations joyeuses. Oh, voilà bien à leur place les portraits des ancêtres. Les tapisseries, les lustres me semblent plus neufs, plus brillants qu'avant mon départ. Le zèle d'un ami, les doigts d'une petite fée ont maintenu cette splendeur. Merci à vous qui avait ainsi travaillé pour l'absent. « Le devoir coûte peu, » dit gravement Salviano. « Ce que j'ai fait n'est rien. Mais quand vous saurez quelle existence votre cousine a menée en vous attendant ?»« Elle m'attendait, » dit Valério avec l'étourderie impétueuse de son âge. « Pourquoi cela ?»« Comment ?»« Parce que je me battais. » Aurélia se croyait obligée de se priver de tout plaisir. Voilà qu'elle est déraisonnable. Je m'étais imaginé que j'allais la retrouver mariée et entourée d'une petite famille. Aurélia se détourna pour dissimuler de larmes qui perlaient au bord de ses cils noirs. Elle ne tarda pas à se remettre et dit avec dignité « Je serais bien plus fâché contre moi-même si j'avais été capable d'accepter les distractions du plaisir quand vos jours étaient constamment menacés. Le sacrifice que j'ai fait m'était imposé par une loi de convenance que me dictait mon cœur, et il devrait être compris par le vôtre. Fier comme Clorinde, mais continuons l'inspection. » Tout en devisant ainsi, ils étaient arrivés à une galerie pleine de tableaux. « Tenez, » dit Aurélia avec inspiration, « vos aïeux vous regardent, mon cousin, et je suis sûr qu'ils sont fiers de vous. » Valério secoua gaiement la tête. « Vous me faites trop d'honneur. J'ai rempli mon devoir de soldat. Voilà tout. » « À Venise, » dit Salviano, « il n'y a pas de soldat. Il n'y a que des citoyens animés de l'amour de la patrie. » Cependant, Tiepolo s'était élancé vers une petite porte centrée. « Ah, c'est là !» murmura-t-il avec émotion. « Oui, acheva la jeune fille, le jardin. Il a été mon séjour favori en votre absence. » Elle-même ouvrit la porte. Par un sentiment de discrétion, le procurateur et Lucrezia restèrent en arrière, comme s'ils voulaient laisser les enfants ressaisir plus librement leurs poétiques souvenirs. Une douce surprise se peignit dans les yeux du jeune gentilhomme. Lui qui, pendant ses excursions militaires, avait vu si souvent de près la plus riche nature et pu contempler ces corbeilles fleuries qu'on nomme les îles de l'archipel, il était plongé dans une véritable extase devant son petit carré de verdure. À lui ces arbres, à lui cette molle brise, et jusqu'à ces oiseaux, qui ne trouvant nulle part à Venise l'ombrage qui leur est cher, avaient accroché leur nid aux branches et payaient en concert l'hospitalité. C'était sans doute avec l'orgueil du patricien que Valério avait revu ces salles aristocratiques. Mais c'était avec une sensation profonde, plus tendre et plus humaine, qu'il embrassait du regard le contour de son jardin. Aurélia posa sa main dans celle du jeune homme, et tous deux marchèrent ainsi, lentement, suivant l'allée unique qui décrivait un circuit parallèle à la forme du terrain. Peu de paroles montèrent d'abord à leurs lèvres, seulement il y avait dans leur cœur un battement plus précipité que d'ordinaire. Tour à tour, ils se jetaient un mot d'amitié, se penchait vers une fleur, souriait à un rayon de soleil filtrant à travers les branches. « C'est étonnant, » dit enfin Valério. « Depuis que je suis entré ici, je me sens l'âme meilleure et comme allégée. Je respire, je crois à des choses bonnes et charmantes, dont le nom m'échappe. De blanches visions me frôlent de leurs ailes. » S'appellerait-elle Aurélia. Il sentit frémir la main de la jeune fille et porta sur sa cousine un regard qu'elle soutint sans trouble, avec ses yeux grands ouverts, et baignée d'une lumière humide. « Guerrier et poète, » dit-elle, puis passant à un autre ordre d'idées. « Que je suis donc heureuse d'avoir si bien réussi dans mon œuvre. Nous nous étions partagé votre domaine pour vous le rendre intact et prospère. Moi, je m'étais réservé le jardin. » « Pouvez-vous, demanda le gentilhomme, m'expliquer la cause de cette préférence ?» Sans lui répondre autrement, Aurélia le fit sortir de l'allée. Ils traversèrent une petite pelouse, au centre de laquelle se dressait un platane superbe, étendant ses bras feuillus dans toutes les directions. « Tenez, ingrat, » dit-elle alors, « vous n'avez pas encore salué le vieil ami. »« Mon platane, vous avez raison. Est-ce qu'il ne vous parle pas éloquemment de notre enfance ?»« Oui, il me redit ces jours précieux où la vie est si facile. Il me redit les heures paisibles où, tout adolescent, j'étais ici avec ma mignonne cousine, où tantôt nous lisions ensemble les strophes de Torquato. » Tantôt nous unissions nos voix dans les canzonettes vénitiennes. Vous souvenez-vous de nos refrains joyeux ? Si je m'en souviens. Et tous deux, sans plus se consulter, se mirent à chanter une aria populaire. la chanson finie, Valerio revenant sans autre transition aux idées qui s'étaient émues en lui, dit avec une certaine mélancolie « Oh, ma bonne Aurélia, j'étais bien coupable, je l'avoue. Vaincu par le chagrin, après la mort de mon vénéré père, entraîné par goût vers la carrière des armes, partagé ensuite entre 1000 objets nouveaux, j'ai laissé dormir au fond de ma mémoire les pieux et consolants souvenirs des années de la première jeunesse. Non, Valerio, on n'est pas capable d'oublier. Tiens, dit-il vivement, ne me prête pas d'excuses. Un passé auquel tu as été associé est un trésor qu'on doit précieusement conserver dans son cœur. Eh bien, cara mia, pourquoi tu rougis? Ne devinez-vous pas, mon cousin, c'est que vous venez de me parler comme autrefois, comme au jour de l'intimité. Vous m'avez tutoyé. Par Saint-Marc, c'était mon droit. Que n'en fais-tu autant? Oh, moi, cela ne m'est plus permis vis-à-vis d'un illustre capitaine. Le vieux platane ne plaidait ma cause comme ces gènes de Dodone qui en savaient si long. Je ne lui demande que de nous réunir tous deux quelquefois sous son ombrage, quand je n'habiterai plus ce palais. Valerio la regarda stupéfait. Comment? Mon retour sera le signal de ton départ? C'est impossible. Et pourtant il en sera ainsi. Je ne puis habiter sous le même toit que vous. En ce moment, il eut chez Valerio une explosion de tendresse généreuse. Il s'écria. Elle veut s'enfuir, telle qu'une colombe effarouchée. Mais puis-je le permettre? Tout ici ne la retient-il pas? Dis, ô mon vénérable platane, si tu ne garderas pas celle que tu as tant de fois abritée, si à sa mariage n'unira pas Valerio à Aurélia. La jeune fille le contempla avec une douceur presque maternelle, et comme il s'étonnait. Cher Valerio, dit-elle d'un ton calme, la prudence ne dirige pas assez aux actions. Que parles-tu de prudence? Je t'offre mon existence, ai-je tort? Écoutez-moi attentivement. Il s'était assis sur un banc de gazon. Aurélia poursuivit en ces termes. Vous voici de retour à Venise. Tous les yeux vont être fixés sur vous. Parmi nos grandes familles, il n'y en aura peut-être pas une qui ne brigue votre alliance. Eh bien, il ne faut pas vous préparer des regrets. Je serais au désespoir si jamais on avait le droit de me dire « Valerio pouvait, par un brillant mariage, monter à la dignité de doge. » Mais non, il s'est cru lié par sa promesse à une orpheline qui n'avait rien à lui offrir que son cœur. « Quoi, Aurélia? Ne comprends-tu pas que je suis inexpérimenté? Que les passions bouillonnent en moi? Que j'ai besoin d'un guide? Non, mon cousin, vous m'honorez beaucoup en me voulant pour votre compagne, mais je m'honorerai bien plus à vos yeux en respectant votre liberté. » « C'est dignement parlé, mon enfant, » dit une voix mâle qui intervint tout à coup dans l'entretien. Les deux jeunes gens se retournèrent vivement et restèrent confus à l'aspect de Salviano. « Mon Dieu, » dit Aurélia, « auriez-vous entendu notre petite discussion? Parfaitement, et je vous approuve. » « Mais, » dit tristement Valerio, « l'approuvez-vous de vouloir quitter ce palais? Elle a raison. Aujourd'hui même, j'emmènerai chez moi votre cousine et sa tante. Je resterai donc seul. » « Vous ne serez pas seul, » dit Aurélia avec un sourire ineffable, « si mon souvenir habite avec vous. » Et ajouta-t-elle, en désignant le platane, « si vous venez quelquefois parler de votre cousine à notre vieille amie. »